de notre été. Je n'ai pas su me raviser, te désirer. J'ai décidé d'en rester là, de retourner à mon passé, de lâcher tout, de perdre toi, la retrouver. Comment imaginer, en te regardant dessiner, que le contour de l'amour est un baiser. Apprends à nommer, je t'inviterai, de m'effacer de tes pensées, pieds et poings liés, je marcherai à tes côtés. Je garderai la fin du jour, le goût salé de notre amour, mes lèvres ont le goût de toujours, le contre-jour. J'ai décidé d'en rester là, de retourner à mon passé, de lâcher tout, de perdre toi, la retrouver. Comment imaginer, en te regardant dessiner, que le contour de l'amour est un baiser.